le monde où tu vas, mon garçon, je ne le connais pas et je le crains. Moi j'ai été élevé avec les idées d'après-guerre. Tes grands-parents étaient certains que leurs enfants feraient mieux qu'eux. Comme les ruisseaux font les rivières, aujourd'hui c'est la route à l'envers. Le monde où tu vas, mon garçon, je m'y perds. Je te laisse mes chansons, mon chapeau, mes livres et mes prières, et une jolie maison où j'ai aimé ta mère. J'ai détesté l'école qui me l'a bien rendue, mais j'ai fait le métier que j'ai toujours. Je ne crois pas qu'un diplôme eût été nécessaire. Le monde où tu vas, mon garçon, je m'y perds. Essaie d'être un homme idéal, à tes risques et périls. Attelle ton char à une étoile, entreprends des rêves inutiles, tâche au moins d'avoir un projet. Le monde où tu vas, je le hais. Allez, salut, je vais dormir. J'ai la fatigue un peu amère. Je me fais l'effet d'être un martien, un revenant d'un passé lointain. Le monde où tu vas, mon garçon, je ne le connais pas et je le crains. Moi j'étais avec les idées d'après-guerre.